Chapitre 6e, où le roi Tawachaga, qui aimait trop le tir à l'arc, finit par trouver son maître. Il y avait déjà pas mal de jours que Poltronet et Dondin avaient atteint l'Indus et en remontaient le cours, se dirigeant ainsi vers les sources du fleuve, lorsqu'ils aperçurent une grande ville devant eux. Dondin se défiait des villes depuis leur dernière aventure, et il eût volontiers engagé le prince à éviter celle-ci. Mais Poltronet craignait, par-dessus tout, les détours qui pouvaient allonger le voyage. Ils allèrent donc tout droit à la porte qui s'ouvrait devant eux et entrèrent dans la cité dont ils trouvaient l'aspect assez surprenant. Dans les rues, dans les places, partout, étaient dressées des cibles et les habitants, armés d'arcs et de flèches, s'évertuaient à tirer au blanc. Auprès de chaque cible se tenait un officier qui jugeait les coups et non loin de là, on voyait une table chargée de mets et gardée par un autre officier. Lorsqu'un des tireurs avait touché le but, il recevait une carte qu'il allait présenter au gardien de la table, s'asseyait et se mettait à manger. Les autres le regardaient d'un œil d'envie et recommençaient de plus belle à décocher leurs flèches. Poltronet, étonné de ce qu'il voyait, en demanda l'explication à un des assistants qui venait de s'asseoir, d'un air désespéré, après avoir tenté un essai inutile, et voici ce qu'il apprit. Le roi de cette ville, qui s'appelait Tawachaga, était passionné pour le tir à l'arc. Fier de son adresse à cet exercice, il exigeait que tous ses sujets partageassent son goût et imitassent son exemple. Aussi, pour entretenir chez eux une louable émulation, il avait établi cet ordre de choses qui surprenait le prince. Personne ne pouvait manger sans avoir gagné son droit à la pointe de la flèche. Quant à ceux dont la maladresse incorrigible avait été prouvée par un certain nombre d'essais, la table commune leur était interdite. « Mais, ajouta amèrement le narrateur, ils ont l'honneur d'être admis à la table du roi. »« Tiens, » fit Dondin. « Non, en qualité de convive, » continua l'autre, « mais en qualité de plat. Le roi leur crève les yeux, leur perce les doigts, les tue enfin à coups de flèche et s'en nourrit ensuite. »« Grand Dieu !» dit Poltronet indigné. « Ce monarque inhumain ose manger ses sujets ?»« Oh !» reprit l'autre, « il n'a pas de préférence. »« Il mange aussi les étrangers !» s'écria Dondin. « J'avais bien raison de ne pas vouloir venir. » Et il jeta un regard désespéré sur la porte de la ville. Mais la porte s'était refermée et la fuite était impossible. En ce moment, un officier s'approchait du prince. Après s'être informé de son nom et de sa qualité, il le pria poliment de le suivre au palais. « Pourquoi faire ? » dit Poltronet. « Pour jouter avec le roi, » répondit l'officier, « et voir si vous êtes plus habile archer que lui. Si vous êtes vainqueur, vous partirez sain et sauf. Sinon... »« Je sais, » interrompit Poltronet. « Moi aussi, » murmura Dondin d'une voix sourde. On trouva le roi Tawachaga dans une grande galerie où il s'amusait à son exercice favori. D'un bout de la galerie à l'autre, il perçait des pommes d'api que ses courtisans tenaient tour à tour entre leurs doigts élevés. Quand on lui annonça des étrangers, « Ah, tant mieux » dit-il, « mes sujets deviennent trop adroits, et ma table s'en ressent. » Dondin frémit. « Ne perdons pas de temps, » reprit le roi. « On leur a dit, je suppose, de quoi il s'agit, et les conséquences qui doivent en résulter. » « S'ils étaient raisonnables, » ajouta-t-il en regardant de côté le prince et son écuyer, « ils se reconnaîtraient vaincus d'avance. Je leur en saurais gré, et je le prouverais en leur laissant la vie, » interrompit Dondin. « Le choix entre la broche et la casserole, » continua le roi. Dondin frémit de plus belle. Quant à Poltronet, il écoutait ses fanfaronnades avec une certaine impatience augmentée par le manque de politesse et de savoir-vivre dont faisait preuve ce roi mal élevé. « Finissons, » dit-il, « que faut-il faire ?» Le roi le regarda de travers en ricanant et en murmurant. « En voilà un qui est bien pressé de passer à la cuisine. » Alors on commença les épreuves. Le roi, qui était réellement d'une adresse prodigieuse, perça une pomme suspendue au bout d'un cordon à laquelle on avait imprimé un mouvement de balançoire. Poltronet la perça comme lui. Alors le roi fit jeter une pomme en l'air et la toucha avant qu'elle retombât. Mais Poltronet, voulant prouver d'un seul coup la supériorité que lui donnait l'arc infaillible, présent de la fée Flamèche, pria qu'on jetât deux pommes l'une après l'autre. Au moment où elles se croisèrent, l'une montant et l'autre descendant, il les perça toutes deux d'une seule flèche. « Par l'arc de Nemrod !» dit Tawachaga en faisant la grimace. « Voilà un joli coup. Je vois qu'il va falloir tenter la grande épreuve. » Alors un valet apporta une rondelle de cuivre de la grandeur d'une assiette. Le disque était percé à son centre d'un trou rond à l'aide duquel on le fixa au bout d'un bâton planté horizontalement dans la muraille. « Regardez bien ce disque, » dit le roi à Poltronet. « Je le vois, » dit le prince. « Et s'il doit nous servir de but, je crois que je l'atteindrai. » « C'est ce que nous verrons, ou plutôt ce que nous entendrons, » reprit le roi en riant de son mauvais rire. « Fermez les volets !» On obéit, et la galerie se trouva dans l'obscurité la plus complète. « À présent, écoutez, » dit Tawachaga. Il tira une flèche, et l'on entendit distinctement, dans les ténèbres, le son que rendit le cuivre frappé par le trait. « Faites-en autant, » dit le roi. Poltronet tira à son tour, et l'on entendit qu'un bruit sourd, comme si la flèche s'était enfoncée dans la boiserie, et un gros gémissement poussé par Dondin. Un seul essai ne suffit pas, dit le roi, recommençons. Il tira une seconde flèche, puis une troisième, et deux fois encore on entendit le métal retentir sous le coup qu'il frappait. Poltronet tenta aussi deux fois l'épreuve, et deux fois on entendit que la vibration de la flèche enfonçait dans le bois. Voilà comment on gagne son dîner, dit Tawachaga de son air fanfaron pendant qu'on ouvrait les volets et que le jour se répandait dans la galerie. « Voilà comment on le perd, » dit tranquillement Poltronet en montrant la cible. Tout le monde regarda et des cris d'étonnement se firent entendre. La première flèche de Poltronet s'était enfoncée dans le bâton qui marquait le centre exact du disque de cuivre vissé à une extrémité. La seconde s'était fichée dans la première, la troisième dans la seconde. Le roi était furieux. « C'est impossible » cria-t-il, tandis que l'écume lui sortait de la bouche. « Il y a là quelque tricherie. »« Propos de mauvais joueur !» répondit Poltronet, avec le même calme qu'il avait déployé jusque-là. Mais le roi était loin d'imiter cette tranquillité. Il criait, il tempêtait, il jurait qu'il ne laisserait pas échapper ces étrangers perfides qui avaient abusé de sa bonne foi. Enfin, il déclara qu'il voulait tenter une dernière épreuve, et qu'il prétendait cette fois se servir de l'arc de Poltronet, quand ce ne serait que pour s'assurer que cet arc était enchanté et qu'on ne l'avait pu vaincre qu'avec des armes déloyales. « Soit, » dit Poltronet, « je veux bien. Mais à condition que cette fois, c'est moi qui désignerai le but. » Le roi accepta, et Poltronet l'emmena, suivi de tous les assistants, dans un jardin où il avait vu par la fenêtre des biches errer en liberté. « Mais, » dit-il en se retournant tout à coup, « qui m'assure que vous ne manquerez pas encore à votre parole, comme vous y avez manqué déjà tout à l'heure, en élevant une réclamation injuste ?»« Dites-lui de jurer par l'arc de Nemrod, » murmura un des courtisans à l'oreille de Poltronet. Le prince exigea le serment indiqué, et le roi jura que s'il était encore vaincu, Poltronet pourrait partir sans rien craindre. On arriva dans le jardin. Poltronet montra les biches qui couraient de côté et d'autre. « Choisissez deux flèches, » dit-il au roi. « Vous le tirerez comme vous l'entendrez. Mais il faut qu'une de ces deux flèches perce du même coup l'oreille et la patte de derrière d'une de ces jolies petites bêtes. » Tawachaga regarda Poltronet avec des yeux étonnés. « Ce n'est pas facile. »« Si c'était facile, vous le feriez, » répondit Poltronet d'un air où sa politesse habituelle, impatientée par les manières du roi, revêtait une nuance de méprisante ironie. Le roi décocha une de ses flèches, puis l'autre. La première atteignit à la patte d'une biche qui bondissait loin de là, la seconde perça l'oreille. « Voilà un arc d'une merveilleuse justesse, » dit-il en le rendant au prince. « Mais même avec cet arc, c'est là tout ce que peut faire un homme, et nul ne fera mieux. » Poltronet haussa les épaules, puis l'hôta à la pointe d'une de ses deux flèches et la dirigea sur une biche qui courait. Frappé à l'oreille par l'innocent projectile, l'animal s'arrêta subitement, secoua la tête, puis se gratta l'endroit atteint avec sa patte de derrière. Prompt comme l'éclair, Poltronet tira la seconde flèche et la patte de la biche se trouva enclouée à l'oreille. « Partons maintenant, » dit le prince à son écuyer, sans même regarder le roi, dont la fureur ne connaissait plus de bornes. Et il se mit à marcher sans tourner la tête en arrière. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il entendit des cris poussés par Dondin. Il regarda et vit son écuyer entouré par les gardes du roi qu'il tenait et l'empêchait de partir. J'ai juré de laisser partir celui qui m'a vaincu, dit le roi, mais lui seul. S'il veut absolument sauver son écuyer, qu'il me donne en échange cet arc miraculeux. » Poltronnet réfléchit un moment. « Mon pauvre Dondin, dit-il ensuite, voilà une belle occasion de montrer ta bravoure. Tu sais combien je tiens à retrouver ce que je cherche, et cet arc m'y aidera sans doute. Sacrifie-toi donc généreusement, et subis pour une si belle cause une mort que tu dois craindre si peu. » Et il partait, quand Dondin le rappela avec des cris lamentables. « Hélas, monsieur, je ne crains pas la mort, mais je crains beaucoup d'être mangé. Comment pourrais-je, après un pareil accident, me présenter dans le paradis que Brahma promet aux braves? Emmenez-moi, monsieur. Si vous n'avez plus votre arc, vous aurez votre écuyer, et vous verrez que c'est bien plus commode qu'un arc dans bien des circonstances. » Le bon cœur de Poltronnet ne put résister longtemps à ces supplications et à bien d'autres que l'éloquent Dondin ajouta à celles-ci. « Je consens, dit-il au roi, mais pour éviter de nouvelles difficultés, je prétends prendre mes précautions. Nous allons partir, et quand je passerai sur cette éminence qui domine les murs du jardin, je jetterai ici l'arc et les flèches. Je jure de le faire, et je tiens ma parole, moi. » Le roi Tawachaga, qui voulait absolument avoir ce qu'il avait demandé, consentit à cet arrangement. On amena les chevaux. Le prince et Dondin partirent, et un instant après, ils passaient sur la montagne dont avait parlé Poltronnet. Le prince s'arrêta. « Voilà ce que j'ai promis, » dit-il. Il tira vivement une flèche qui s'enfonça dans la poitrine du monarque inhumain, puis il jeta l'arc comme il avait juré de le faire, et il s'éloigna sans qu'on songeât même à le poursuivre. Les voyageurs continuaient à remonter le fleuve. Bientôt ils le virent se rétrécir au point de devenir un ruisseau, et enfin ils arrivèrent à l'endroit où ce ruisseau jaillissait d'un rocher. Ils étaient au but de leur voyage. Ils trouvèrent facilement la demeure de l'enchanteur Spavento. Poltronnet, qui voulait employer d'abord les moyens de conciliation, alla tout droit chez le magicien. À son grand étonnement, il fut bien accueilli. L'enchanteur avait fait quelques pas au-devant de Poltronnet. « Je sais dans quelle intention vous venez, lui dit-il. Vous avez fait un voyage inutile. Je ne puis ni vous donner, ni vous disputer ce que vous êtes venu chercher ici. Je n'ai pas l'esprit de la princesse que vous aimez, et je ne sais pas où il est. » Alors il raconta comment, revenu chez lui avec la bouteille qui contenait la précieuse essence dérobée par lui au cerveau de Fleur d'Esprit, il s'était occupé d'abord de préparer un appareil à l'aide duquel il put faire passer dans la tête de sa fille l'intelligence qui devait en faire une personne accomplie. Comme il avait laissé la bouteille dans un coin, et comment il l'avait retrouvée, un rat avait rongé le bouchon et la bouteille était vide. Poltronnet ne paraissant pas accorder une foi entière à ce récit, le magicien ajouta que le prince pouvait s'assurer de la vérité. L'intelligence peu développée de sa fille la rendant difficile à marier, il avait été heureux de la donner au prince Toto, roi des bébés, qui n'exigeait chez une épouse que les moyens nécessaires pour jouer à la poupée, sauter à la grande corde et danser en rond. Poltronnet n'avait qu'à aller au pays des bébés, et là il verrait par lui-même que la princesse Zaza n'avait pas reçu le présent que lui destinait son père, c'est-à-dire la haute raison et l'instruction supérieure de la princesse Fleur d'Esprit. Poltronnet demanda où était le pays dont il lui parlait, et il se mit en route. Il allait tristement, songeant avec désespoir que si l'enchanteur avait dit vrai, il ne pouvait plus demander qu'au hasard la réussite de son entreprise. Dondin n'était pas gai non plus. Il songeait qu'il avait faim, et que son maître, absorbé dans ses méditations, ne pensait pas à manger. Enfin, il se décida à lui dire quelques mots à ce sujet, et le prince, ayant répondu par un geste d'indifférence, l'écuyer fit semblant de le prendre pour un geste de consentement. Aussi, voyant une cabane au bord de la route, il s'empressa de frapper à la porte. On cria d'entrer, et les voyageurs profitèrent de la permission. Ils trouvèrent un homme assis dans un coin qui ne se leva même pas en les voyant. Dondin demanda si l'on pouvait dîner. L'homme leva les épaules. « Cherchez, » dit-il. Dondin se mit à fureter partout et ne trouva qu'un peu de fromage blanc. Il regarda piteusement son maître. Poltronnet était de mauvaise humeur. Aussi se contenta-t-il de dire « J'ai vu voler beaucoup de bécasses en passant dans les champs. Si j'avais encore mon arc et mes flèches. » Dondin sentit le reproche indirect que contenaient ces paroles, et il interrompit vivement le prince. « On peut prendre des bécasses sans arc et sans flèche, » dit-il. Et avisant dans un coin divers ustensiles de ménage, il prit une grande écumoire, un marteau, le fromage blanc, et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu ? » dit le prince. « À la chasse, » répondit l'écuyer en sortant. Le propriétaire de la cabane, en entendant ces mots, releva curieusement la tête et il suivit Dondin pour voir ce qu'il allait faire. Dondin se dirigea vers un terrain marécageux qui s'étendait à quelque distance et au-dessus duquel on voyait voler des bécasses. Arrivé là, il s'assit par terre, garnit de fromage blanc les trous de l'écumoire, puis il la planta devant lui et attendit, caché derrière. Au bout d'un instant, les bécasses, attirées par la curiosité naturelle à ces oiseaux, volèrent du côté de l'objet inconnu dont l'immobilité les rassurait. Elles s'approchèrent de plus en plus, une puis une autre, donnant en passant un coup de bec au fromage blanc. Alléchée par ce mets délicieux, elle revint plus hardiment, et enfin une d'entre elles y plongea son bec. Le bec entra dans le trou bouché par le fromage et passa de l'autre côté. Alors Dondin, donnant un coup de marteau, riva le bec qui passait, et l'oiseau resta attaché à l'écumoire. Les autres, croyant qu'il se complaisait dans cette position, l'imitèrent bientôt, et chaque bec que Dondin voyait paraître se pliait aussitôt, grâce à un coup de marteau bien appliqué, retenant ainsi la bécasse, victime de sa gourmandise. Cependant le prince était resté seul dans la cabane, et il continuait de se livrer à ses tristes rêveries. « Hélas, » dit-il tout haut, emporté par sa douleur, « comment faire pour venir à bout de ce que j'ai entrepris ? » ?»« Avec le courage et la persévérance, on vient à bout de tout, » dit une voix qui partait d'un des coins de la chambre. Poltronnet regarda autour de lui et ne vit qu'un beau perroquet bleu et rouge dans une cage suspendue près de la fenêtre. Il crut que le perroquet répétait une phrase apprise et il continua. « Qui me guidera ? » Qui me conseillera ? Moi, peut-être, dit l'oiseau. Cette fois, Poltronnet fut étonné et le manifesta. Toi ? Toi, un perroquet ? Je ne suis en effet qu'un perroquet, dit l'oiseau, mais je suis doué d'un esprit bien supérieur à ma condition et à celle de beaucoup d'autres. Si tu voulais m'emmener avec toi, je suis sûr que je te donnerais de bons avis. Je t'emmènerai volontiers, dit le prince, mais celui à qui tu appartiens voudra-t-il te céder à moi ? « Oui, dit le perroquet, si tu fais ce que je vais te dire. Cet homme, comme tu as pu t'en douter à sa mine, vient d'être frappé d'un grand malheur. Il a perdu un chameau qui était toute sa fortune et sur lequel, en outre, il avait chargé des provisions qui devaient l'aider à passer l'hiver. Cours après le chameau et rends-le à son maître, à condition que celui-ci me laissera partir avec toi. Mais j'ignore où est l'animal dont tu parles. Tu le suivras à la trace. » J'ai vu beaucoup de traces de chameaux sur le chemin, et elles allaient dans tous les sens. Tu reconnaîtras celui-là aux marques que je vais t'indiquer. Tu examineras avec soin l'herbe qui borde la route. Si tu vois que l'herbe est meilleure sur le côté gauche que sur le côté droit, et que néanmoins ce soit l'herbe du côté droit qui ait été mangée, tu sauras que tu es sur la voie. Cela t'indiquera que l'animal n'a pas vu l'herbe la meilleure, et le chameau fugitif est borgne de l'œil droit. Ensuite, il lui manque une dent, et tu trouveras là où il aura passé des bouchées d'herbe à moitié mâchées, tombées par l'intervalle que laisse cette dent absente. Ensuite, tu regarderas si tu vois des fourmis à droite du chemin qu'il aura suivi, et des mouches à gauche. Ce sera le signe certain que tu ne te trompes pas, car le chameau porte d'un côté du beurre, qui aura laissé une trace grasse propre à attirer les fourmis, et de l'autre du miel, qui aura coulé sur la terre et attirera nécessairement un grand nombre de mouches. Allons, dit le prince émerveillé de la perspicacité du perroquet. « Je vois que tu ne m'as pas trompé et tu pourras donner un bon conseil à l'occasion. » En ce moment, Dondin rentrait portant en triomphe son écumoire chargée de gibier. Le paysan le suivait. Poltronnet lui proposa le marché dont avait parlé le perroquet et le paysan l'accepta avec joie. Le prince s'élança sur Agib et grâce à la prodigieuse rapidité du bon cheval, il eut bientôt trouvé la trace et il revint ramenant le chameau. Pendant ce temps, Dondin avait fait rôtir le produit de sa chasse et on fit un excellent repas. Poltronet, tout en mangeant, fit causer le perroquet et lui demanda, entre autres choses, comment il se faisait qu'il fût doué d'un esprit si pénétrant. Mais à cela l'oiseau ne put rien répondre, sinon qu'un jour, après avoir mangé, il lui avait semblé s'éveiller d'un long sommeil, qui ne lui avait laissé aucun souvenir. Sa vie lui paraissait datée de ce moment-là. Depuis, il avait été blessé par un chasseur et ramassé mourant par le paysan. Malgré la reconnaissance qu'il lui devait, il s'ennuyait avec lui et désirait une société plus relevée. Maintenant qu'il l'avait trouvé, il était content. Tout cela était dit en si bons termes et avec tant d'esprit que Poltronet s'émerveillait à chaque mot. Il s'étonna plus encore lorsque, racontant à son tour son histoire au perroquet, il le vit tressaillir au nom de Fleur d'Esprit et se passer la patte sur le front comme pour rappeler un souvenir qui lui échappait. Mais l'intelligent oiseau ne réussit pas à retrouver ce qu'il cherchait dans sa mémoire. En revanche, il réussit à remonter le moral du prince, et quand celui-ci reprit son voyage, suivi de Dondin et portant sur son épaule son nouvel ami, il marchait plus légèrement, comme si l'espérance l'eût de nouveau prise sur ses ailes vertes.